Galaxy. System, fréquence 95-30, bienvenue à tous, welcome, bon réveil. C'est Sound System comme tous les samedis entre 10h et minuit, 120 minutes de bon son. Le ping-pong, comme tu le sais, entre la nouveauté et puis les souvenirs rétro, notamment les souvenirs rétro du milieu des années 90. Tu viens d'écouter Aryl Brinca avec son morceau Winter. On continue dans ce style tout au long de l'émission, plutôt axé trance. Tout à l'heure, on fait un bref tour d'horizon des principales soirées marquantes pour ce week-end. Ce sera aussi l'occasion de faire le tour d'horizon des informations de proximité présentées par Stéphane Laroche avec l'agenda Galaxy à 10h30 et 11h30. Mais tout de suite, on repart en rétro avec l'excellent titre de Prisma Slant. Sur Galaxy. Thank you. Sound System, joli morceau sorti en 1993 avec le groupe de Goodman, le morceau Give It Up en version remixée. Juste avant, c'était encore de la rétro, Prism avec Slant, et on avait démarré l'émission avec Aryl Brinca, le morceau Winter sorti en 2007. On continue dans la nouveauté avec un titre sorti pendant l'été 2007 signé Dercola, vous le connaissez forcément, le morceau Follow Me. J'ai choisi une version remixée qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, à découvrir tout de suite. Et puis tout à l'heure, deux informations à vous diffuser. La première qui concerne un nouveau concept d'émission, Earth and Soul, qui sera diffusé tous les mardis. Et puis le Galaxy Top, mais je vous parle de ça d'ici quelques minutes. Tout de suite, c'est Aircola, Follow Me en version remixée et appréciée. With Galaxy. Music. Music remains on top. We'll be right back.

with Galaxy. Music, music, music. Music remains on top. Sound System, le coup de vieux du samedi matin avec l'année 1993, le titre de Capella. Et oui, t'as vieilli, mais faut assumer, c'est pas grave. Les années passent, mais la musique elle reste et les souvenirs aussi avec de la bonne rétro sur Galaxy 953, le meilleur de la musique électronique. Dans quelques secondes, on repart avec une nouveauté cette fois-ci, le groupe DC Project, It Was You. Et puis si tu as un ordinateur à la maison, une connexion internet, si t'as un nanaï dessus, c'est pas grave, tu la prends par les cheveux, hop, tu la vires, coup de boule, baillette. Tu squattes l'ordi et puis tu te connectes sur le live.galaxyfm.com pour écouter Galaxy à travers le monde 24 heures sur 24. Tu mets l'adresse en favori et puis voilà, c'est enregistré. On continue donc avec DC Project, un de mes coups de cœur de l'année 2007. Galaxy, Galaxy. Music for happy people. Happy people. Sound System, Jérémy sur Galaxy. It's Sound System avec à l'instant le groupe DC Project, le morceau It Was You en version remixée. J'en ai encore des frissons, un de mes coups de cœur de l'année 2007. Si tu viens de nous rejoindre, bon réveil, bon début de journée. Et puis on est ensemble jusque midi, 120 minutes en direct en plus. Le ping-pong de l'émission entre la rétro et les souvenirs. Je vais te faire découvrir maintenant un morceau rétro. Donc si tu ne le connais pas, soit tu es forcément très jeune, et donc là tu es tout excusé, mais si tu es aux environs de 25-30 piges, que tu as connu les années rétro dans les années 90, là tu n'as pas d'excuse. La seule peut-être excuse, c'est que tu viens de la planète Saturne, ta soucoupe volante vient de s'écraser là tout près du studio de Galaxy, et ben là je te propose de découvrir donc ce morceau, RMB Love is an Ocean. Je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de monde. With Galaxy. With Galaxy. Music, music. Music remains on top. Thank you. Galaxy Sound System, un excellent souvenir qui vous donne des frissons. RMB avec Love is an Ocean. Je sais que vous êtes nombreux derrière vos postes, Calais Fréquence 95.30 pour le meilleur de la musique électronique, et nombreux également à avoir dansé sur ce titre à l'époque, en 1994 lorsqu'il est sorti, notamment à la Goa ou la Bûche, et puis dans toutes les soirées rétro maintenant en ce moment, il passe au moins une fois ce morceau RMB, Love is an Ocean. Ça fait partie de mes gros coups de cœur en matière de rétro. On continue en rétro avec les Mackenzie, le titre Innocent, et on revient juste après avec une nouveauté. Galaxy. Galaxy. Music. For happy people. Happy people. Happy people. Sound System, 10h50 sur la fréquence du 95-30, on est en direct. Sound System jusque midi, le ping-pong entre la nouveauté et la rétro. Tu viens d'écouter un souvenir, le groupe Mackenzie avec la voix de Jesse pour le morceau Innocence. Ça place maintenant à la trance et à la nouveauté. Je te propose une basse puissante, des jolies mélodies avec du synthé, des nappes de la mort et un break qui tue. C'est Mika Laikkonen avec son morceau Sparking Love. Je suis sûr que ça va vous plaire et c'est sorti juste il y a quelques semaines. Galaxy. Galaxy. Music for happy people. Happy people. sur Galaxy. Galaxy. Galaxy. Don't stop. Music. Energy. Flow. Eternal. Sapphire à l'instant avec Yann Lissat et le morceau Énergie Flow. On vient juste d'atteindre le cap des 11h. Bienvenue à toi si tu viens de nous rejoindre. Bon réveil. Reste calé Galaxy, soit sur le 95-30, soit directement sur internet live.galaxyfm.com. On s'écoute un petit répondeur, c'est un cadeau. Et puis on revient avec de la rétro juste après. Et un souvenir, le groupe Groove Zone, le morceau I See You. Out of time. Out of time. Allô, salut, votre radio est super cool, mais ce qui serait super sympa, si vous pourriez repasser cette musique-là, ça serait génial. Mais j'adore trop et j'arrive pas à la trouver dans le commerce. Je vous remercie. Damien, je vais vous interpréter une chanson pour ma copine. Et si je te prends et je te retourne, et je t'emmène dans la foufoune, et si t'en veux encore plus, je t'en mettrai une dans la rue. Allô, c'est pour la place pour la bûche. Allô, c'est pour la place pour la bûche. Allô, c'est pour la place pour la bûche. Oh, Radio Galaxy. Vous n'entendrez plus qu'elle. Ça, c'est moi qui vous le dis. Galaxy, Sound System, ton petit moment rétro du samedi matin. Tu écoutes Groove Zone avec le titre I See You. Une petite information concernant deux nouveaux concepts d'émissions qui débarquent depuis le début de l'année 2008 sur Galaxy. Le premier concept, c'est l'émission Earth and Soul qui arrive sur la grille des programmes chaque mardi entre 18h et 19h. C'est une émission de mix de morceaux, mais également d'animation, puisque tu retrouveras au micro Timothy Milton, Huggy Anton et puis Guillaume pour toute l'actualité du son garage, soul, full house et disco. Donc ça s'appelle Art and Soul. Tu as rendez-vous avec eux tous les mardis entre 18h et 19h sur Galaxy. Autre émission, autre concept, cette fois-ci tous les derniers samedis du mois avec Hubert et moi-même pour la remise à jour de l'émission Galaxy Top. C'est-à-dire qu'on va parcourir ensemble une fois par mois les 40 meilleurs morceaux, les 40 morceaux les plus diffusés sur l'antenne de Galaxy avec notamment de gros cartons. Ce sera essentiellement de la nouveauté. On démarrera de la place 40 pour arriver à la place numéro 1. Ça sera tous les samedis, tous les derniers samedis du mois, entre 18h et 19h30. Prochaine émission pour ce début d'année 2008, le 26 janvier, samedi 26 janvier, 18h, 19h30 pour la première émission de l'année, Galaxy Top. On continue en rétro avec un superbe souvenir, Japan et le morceau Ghost. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. Galaxy Sound System avec à l'instant une nouveauté, Axwell, le morceau I Found You remixé par les Toca Disco. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Moi je sais déjà ce que je fais, je vais du côté de Comines, rue de Vervic, dans un bar qui s'appelle La Brasserie pour une soirée spéciale où je retrouverai au platine ce soir Okos, Samanje et Begby. C'est une soirée rétro trance et électro house. Ça se trouve donc à Comines ce soir dès 20h rue de Vervic dans un café qui s'appelle La Brasserie. Tu pourras y retrouver notamment quelques membres de l'équipe, il y aura certainement Dust, voire DJ Ice, je serai là, pas au platine, hein, du côté du bar plutôt, ouais, en pilier de comptoir, et puis il y aura plein d'auditeurs de Galaxy. Alors n'hésitez pas à venir faire un tour, à boire un verre, et puis écouter du bon son rétro trance et électro house mixé par Okos, Samanji, Begby pour cette soirée qui démarre ce soir à partir de 20h, café La Brasserie, rue de Vervic, à Comines. On continue en rétro, souviens-toi de ce morceau. Sound System, fréquence 95-30, le meilleur de la musique électronique et de la rétro. Un petit coup d'œil sur les soirées à ne pas manquer pour ce samedi 12 janvier du côté de la Belgique avec le Bliss Club, la soirée et le concept Discovery avec un guest ce soir, Laidback Look du Virgin Records, accompagné des deux résidences Ispo et Flam. À la bûche, Saturday's New Session avec Xtian, Silver Sea et Frank G. À l'Escape Concept, la soirée résident également avec Dave, Luke et Huggy Anton. À l'H2O, concept Saturday's avec Chris, Johan et Simai. Au Pulse Factory, soirée résident avec Sipi, Michael Forza et puis Victor. Et au Zool Club, la soirée Pauline Party avec ce soir DJ Nick Waters et les résidents Serum, Arnaud, Ludo et Romanes. Et puis bien entendu la soirée dont je t'ai parlé tout à l'heure, une soirée rétro trance et électro house qui se trouvera ce soir à La Brasserie à partir de 20h rue de Vervic à Comines avec Okos, Samanji et Begby au platine. Tu retrouves toutes ces informations en un clic, www.galaxyfm.com, rubrique information soirée. N'hésite pas à écouter nos programmes aussi sur le web au live.galaxyfm.com. On continue en rétro, on revient avec de la nouveauté juste après, le titre Sea Lime Woman, sorti en 1997, signé du groupe People Movers. Galaxy. Galaxy. Music for happy people. Happy people. coffee. She drinks tea. Then she go home. Sea lime woman. Dressed in red. Wearing a ray on her head. Sea lime woman. She drinks coffee. She drinks tea. Then she go home. Sea lime woman. Dressed in black. Sleep all day. On her back. Sea lime woman. She drinks coffee. She drinks tea. Then she go home. Sea lime woman. Dressed in white. Sleep all day. Ball all night. Sea lime woman. Dressed in green. Wear silk stockings. Golden seams. Wiggle, wiggle. Purr like a cat. Winks at a man. Then he winks back. Sea lime woman. Dressed in white. Sleep all day. Ball all night. Wiggle, wiggle. Purr like a cat. Winks at a man. Then he winks back. Empty his pockets. Wreck his day. Make him love her. She'll fly away. Sea lime woman. She drinks coffee. She drinks tea. Then she go home. Sea lime woman. She drinks coffee. She drinks tea. Then she go home. Sea lime woman. Dressed in blue. Watch what you say. Gonna get you. Sea lime woman. Dressed in gold. Going home. Save her soul. Sea lime woman. Dressed in red. Wearing a rag. On her head. Sea lime woman. Dressed in black. Sleep all day. On her back. Sea lime woman. Dressed in green. Wear silk stockings. Golden seams. Sea lime woman. Dressed in red. Dressed in red. Dressed in red. Sea lime woman. Dressed in black. Dressed in black. Dressed in black. Sea lime woman. Dressed in green. Wear silk stockings. Golden seams. Wiggle, wiggle. Purr like a cat. Winks at a man. Then she winks back. Sea lime woman. Dressed in red. Wearing a ray on her head. Sea lime woman. I can't hear ya. I can't hear ya. That's a little better. Music remains on top. Galaxy. Galaxy. Don't stop. Stop music. C'était un souvenir à l'instant avec les Lunatic Asylum, le morceau de Meltdown. On continue en souvenir l'année 1998 avec l'artiste Frankie Jones, le morceau My Obsession en version remixée. Galaxy, Galaxy. Music for happy people. Happy people. Thank you. Sound System, Jérémy sur Galaxy. Sound System, fréquence 95-30. À l'instant, c'était Frankie Jones de la team Cherry Moon avec son morceau My Obsession en version remixée. On passe tout de suite à de la rétro encore avec un titre qui m'a été demandé plusieurs fois, à la fois par téléphone et puis sur le site internet de l'émission www.soundsystem-mix.fr. C'est le morceau de Ultimate Seduction avec A Walking in Nightmare. C'est parti. Galaxy. Galaxy. Music. Or happy people. Happy people. Galaxy. We'll be right back. Galaxy, Sound System. Voilà un petit clin d'œil aux fidèles de l'émission qui m'ont redemandé ce morceau de Ultimate Seduction avec Walking in Nightmare. Place à la news avec un morceau qui a fait un carton ces derniers mois, le morceau de Chris Lake, Carry Me Away. Et puis on revient juste après avec du souvenir, le groupe Lotus et l'excellentissime morceau Retro Trance Within or Without You. With Galaxy. With Galaxy. Music, music. Music remains on top.

Music remains on top. Galaxy, Sound System, ainsi s'achève notre émission sur ce morceau de Lustral, Every Time, remixé par les Nalinenkei. Un coup d'œil rapide sur la grille des programmes pour ce samedi 12 janvier. Tout à l'heure, à partir de 14h, tu as rendez-vous avec Pavla pour son émission Va des Rétro, suivi de Manhattan entre 16h et 18h. Silver Sea et Even entre 18h à 19h30, suivi de Claude Monet entre 19h30 et 20h30. À partir de 20h30, Nico & Co pour le concept Refresh. Et puis, à partir de 23h, Jérôme B pour Party House. Tu as rendez-vous avec Pascal Mancini dès demain matin pour un maximum de bonne musique. Trois soirées à ne pas manquer. La première ce soir du côté de Comines, rue de Vervic à la brasserie, avec Oko, Samanje, Begby au platine pour une soirée rétro trance et électro house. Et puis d'ici deux semaines du côté de l'Escape le 2 février avec Jimmy au platine pour son anniversaire avec un florilège de guests que de la team Galaxy, 100% Galaxy pour cette soirée à l'Escape le 2 février. Aux côtés de Jimmy pour son anniversaire, il y aura Guillaume, Silver, Jérôme B, Ice et Nicolas. Et puis il remet ça la semaine suivante, Jimmy, à partir du 9 février, toujours à l'Escape pour une soirée spéciale rétro avec devinez qui, HS au platine, Yuri du Cherry Moon et puis Vince aux côtés des résidents. Deux soirées à ne pas manquer, le 2 février et le 9 février avec Jimmy à l'Escape. Plus d'infos directement en un clic www.galaxyfm.com, rubrique information soirée. On aura l'occasion de vous en reparler tout au long de la semaine prochaine. Je vous laisse en compagnie justement de Jimmy pour son concept Spiritual Choice jusqu'à 14h et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de 10h le samedi pour un autre Sound System. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous sur internet www.soundsystem-mix.fr.